Faut que tu saches qu'on a tous une date d'expiration. Attends deux secondes, laisse-moi prendre ma respiration. Inspiration quand je m'introduis avec une nouvelle combinaison. En gardant le moral, la patate et surtout la motivation. Car on vit dans une époque d'intérêt. D'intérêt d'être intéressant, sinon on te sape comme sur une chaîne à la télé. Alors prépare-toi à porter du assoi. Pélé-pélé, quoi qu'il arrive, je resterai le même. Fêlé-fêlé, je trace ma route en me laissant aller. Sans trop calculer le succès. Je suis pas là pour sucer qui que ce soit et tu le sais. Je suis le mec sans c'est qui donne juste un petit extrait avant que je vienne pousser les portes d'accès. Accès du rap brut dans ton MP3 pour faire crier les mecs des blocs et les mecs grillés. Dans mon 9-3, des beats sur un bête de beat dans ce monde qui m'empoisonne. Ainsi s'achève mon couplet, je dirais number one comme Tyson. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Je reviens de loin pour remonter ma côte. J'étais obligé de prendre du recul et monter petit à petit pour sortir la tête haute. C'est pas de ma faute si je cherche toujours un raccourci pour ne pas commettre les mêmes fautes. Et quand je fais fausse route, tu sais quoi, j'ai envie de briser des côtes. Eh les gars, arrêtez, responsable. Vous voyez pas que je reste le même et que je représente ceux qui me soutiennent et ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, j'ai pas encore fini de décharger ma haine. Mon chargeur est plein de rimes à l'infini. Je définis ce que je ressens sur le bitume ou sur papier. Tu vois bien, je fais pas ça pour plaire, mais sur tout prendre mon pied. Finalement je suis obligé de faire la diff. Tous les jours je fais du bif. Eh vous méritez tous une grosse gifle. Car tous les jours je prends des risques bêtement. Décidément faut que je prenne des barres et des barres. Des barres trop de barres. C'est pas une histoire à la Pierre Belmar. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Et les gars, arrêtez, je peux pas me permettre de la fermer. Pour m'arrêter, déjà faudra me faire taire ou m'enfermer.